Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Musidora, star du muet. Ce qu'on voit d'elle en premier sur l'écran, ce sont ses yeux, immenses, intenses, noirs évidemment. D'autant plus noirs que le visage est blanc, d'un blanc de clown. Noir aussi le collant de soie qui, de la tête aux pieds, moule ses formes sensuelles. Mais méfiez-vous d'elle. Irma Vep, l'héroïne du film, qui n'en fait qu'à sa tête, n'attend que le moment de planter ses grandes dents dans votre cou et de vous sucer jusqu'à la moelle. Normal, Irma Vep, c'est l'anagramme de vampire. C'est grâce au film Les Vampires, tourné en 1916 par Louis Feuillade, que l'actrice Musidora, la belle et talentueuse Musidora, va devenir, dit-on, la première vampe du cinéma. Une gloire au parfum sulfureux. L'érotisme du film fera scandale alors que des milliers de soldats meurent pour la France à Verdun. Ce soir, c'est l'histoire oubliée du tournage des vampires que je vais raconter. Une aventure en noir et blanc, sans filet, qui nous invite à redécouvrir le cinéma muet et son incroyable liberté. On risquait sa vie tous les jours, mais on s'amusait, dira Musidora. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Didier Blonde, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, auteur de romans, d'essais. On se souvient que vous avez reçu le prix Renaudot 2015 pour Leïla Maï 1932. Et un de vos domaines de prédilection, Didier Blonde, c'est le cinéma muet, notamment le cinéma muet français, un grand méconnu, auquel vous avez consacré plusieurs livres, donc sur Musidora, ou encore sur Suzanne Grandet ou Ivan Mosjoukine, d'autres acteurs du muet oubliés, auxquels vous avez d'une certaine manière redonné vie. C'est vous, et qui d'ailleurs avez écrit l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes. Qu'y a-t-il de si particulier qui vous fascine dans le cinéma muet ? Eh bien, d'abord, précisément, parce qu'il est muet. Et à ce titre, il sollicite beaucoup le spectateur. On fait souvent cette expérience, c'est qu'en regardant un film muet, on croit entendre, ou on croit avoir entendu parler les acteurs. C'est nous qui les faisons parler d'une sorte de voix de ventriloque. Et je me glisse à l'intérieur un peu de ces personnages. C'est un formidable tremplin pour l'imaginaire. Il suffit de couper le son à des images pour que tout de suite elles deviennent mystérieuses, elles nous intriguent. De la même façon, d'ailleurs, à la radio, c'est parce qu'on n'a pas l'image que ces voix sont pour nous tellement fascinantes. C'est un formidable tremplin pour l'imaginaire d'un écrivain. Alors l'histoire que je vais raconter commence fin 1915 à Paris, au moment donc où Musidora va rencontrer Louis Feuillade, le réalisateur, qui l'a convoqué pour un rôle. À ce moment-là, la France est en guerre depuis plus d'un an, des millions d'hommes sont mobilisés sur le front, mais à Paris, Paris qui est régulièrement la cible de bombardements, eh bien on continue vaille que vaille à tourner des films. À Didier Blonde, à quoi ressemble le cinéma en 1915 ? C'est un art encore très jeune. Oui, ben, il fête ses 20 ans, puisque les premiers tournages ont eu lieu en 1895. Louis à cette époque-là, Louis Lumière, ça, ouais. Oui, c'est une, avec un nom comme ça, c'est quand même formidable. Toutes les premières années, il y a trois sociétés qui sont très importantes, la société Gaumont, Pathé et Éclair. Éclair va disparaître, mais tout le monde connaît encore Gaumont et Pathé. Jusqu'à la guerre, le cinéma français était hégémonique. Vraiment, c'est la jusqu'à la première cinéma, guerre jusqu'à la première guerre mondiale. Alors la guerre a entraîné le suicide de l'Europe dans quantité de domaines, et il va y avoir la concurrence américaine que l'on voit d'ailleurs très précisément apparaître d'ailleurs avec le tournage des vampires. Ouais, ouais. Mais il est encore assez déprécié par les intellectuels qui trouvent que c'est un art populaire qui est bon pour les familles, qui est pas sérieux. Les acteurs sont en train un petit peu de se chercher aussi, parce que peut-être jusqu'à Feuillade d'ailleurs, qui a modifié un petit peu leur jeu. On leur reproche d'avoir un jeu trop théâtral, mais il attire quand même beaucoup les foules. Il y a des salles de cinéma. Il y a beaucoup de salles de cinéma, et il y a notamment la salle du Gaumont Palace. Le Gaumont Palace, qui existait encore jusqu'il y a un petit nombre d'années, place Clichy. Et Louis Feuillade, donc, d'où vient-il, ce réalisateur ? Il vient du théâtre aussi ? Non, il vient un petit peu du journalisme. Il est méridional. il s'est intéressé très tôt au cinéma. Et chez Gaumont, il a un poste clé, peut-être c'est le plus important après le directeur, puisqu'il est directeur artistique. C'est-à-dire que c'est lui qui recrute, dirige, sélectionne les scénarios. Tous les matins, à 8h du matin, il est à son bureau à la cité de la Villette. Et il engage des acteurs et puis il réalise. Avec Les Vampires donc de Feuillade, Musidora va devenir une star. Mais qui est-elle en 1915? Alors, elle a déjà tourné un petit nombre, ce sont toujours des petits rôles, pour Gaumont d'ailleurs, puisque Feuillade l'a vue sur une scène de musical. Oui, aux Folies Bergères. Aux Folies Bergères, où elle dansait dans une revue qui s'appelle la revue Galante, je crois, souvent un peu dénudée. Donc elle avait un petit succès qui était dû à ses talents de danseuse, de chanteuse, à sa plastique. Et il a tout de suite remarqué sa photogénie exceptionnelle et il l'a fait venir chez Gaumont. Donc ça c'est en 1914. Et puis avec le déclenchement des hostilités, les activités s'interrompent à ce moment-là. Donc elle est... on va dire sous-employée, elle a une ambition considérable, elle veut absolument réussir, elle ne sait pas encore s'il sera dans le musical ou au cinéma. Eh bien, on va le découvrir dans un instant. Didier Blonde, nous continuerons cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Musidora, star du muet, un texte de Didier Blonde, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. Réalisation, Cédric Ossir. Moi qui ne me lève jamais avant 10h, ma nuit aura été courte. Enfin, je retrouve le chemin des studios. J'espère que ce n'est pas pour me proposer un de ces petits rôles de dactylo ou de muse patriotique comme la dernière fois. Avec cette guerre qui n'en finit pas, je commence à me lasser de jouer les fifi tambour ou les fiancées de 14. Quelle nouvelle idée a-t-il en tête? Toujours secret, Monsieur Feuillade. Toujours imprévisible. Il a juste écrit... Je t'attends pour une affaire urgente. Rendez-vous à 8h. Il a souligné urgente. À l'automne 1915, la jeune actrice Musidora se rend au studio de Léon Gaumont au Buttes-Chaumont. Elle a reçu la veille un pneumatique signé du réalisateur Louis Feuillade. C'est bon signe qu'il m'appelle dès son retour. Pendant qu'il était au front, il n'arrêtait pas de m'envoyer des lettres en me réclamant des photos, avec de vraies déclarations. Je le connais, il faut que je fasse attention. Quand il m'a repéré l'année dernière, aux Folies Bergères, il était assis au premier rang, comme les autres, qui viennent là pour voir mes cuisses et mes seins et mon ventre, jusqu'à guetter ma nature. Ce n'est pas toujours facile d'être une jolie fille. Le cinéma, c'est ma chance, je le sais, je le veux, et je suis prête à tout pour réussir. Mais je ne suis pas toute seule sur les rangs. À 26 ans, je ne peux plus attendre, je suis pressée. Je veux qu'on me voie partout, en grand. Je veux être la reine du cinéma. Et Monsieur Feuillade est le maître ici. Tout le monde lui obéit. Ah, ma petite Musi. C'est toi, enfin. Assieds-toi. C'est moi, Monsieur Feuillade. Vous m'appelez, j'arrive. Juste à l'heure. Laisse-moi te regarder. Oh, toujours aussi ravissante. Et élégante. Le costume tailleur, c'est nouveau. Tu m'as bien manqué. Avec ton sourire, ta jolie gueulette, tes grands yeux. Je suis là au complet, comme vous voyez. Bien contente aussi de vous savoir de retour dans la maison. Oui, à cause d'une crise cardiaque pendant le bombardement de Zwickot. Un petit séjour à l'hôpital, mais maintenant c'est fini. Ils m'ont réformé. J'ai rendu l'uniforme, je crois que je serai plus utile ici. Alors, on va pouvoir recommencer à travailler ensemble. Tu es ma crabesse préférée, tu sais. J'ai besoin de toi pour mon prochain film. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Qu'est-ce que vous nous préparez? Un vaudeville? Un mélo? Encore un film patriotique? Non, c'est un film policier cette fois. Une histoire de bandit bien noir. Comme Fantomas? Plus noir encore. Et je veux que tu en sois. Le noir me va bien. C'est ma couleur. Et quel rôle vous me réservez chez ces bandits? Cela dépend de toi. Il y a deux rôles à distribuer. Celui de l'ingénu... Ça t'irait bien, avec tes grands yeux et tu pleures si bien. Mais elle meurt au premier épisode. Et puis... Et puis Il y a la méchante. Une vraie méchante. Et elle, elle sera de tous les épisodes. Je sais que je pleure très bien, avec mes grands yeux, comme vous dites. Mais je ne veux pas mourir si vite, ni si jeune. Maintenant qu'on s'est retrouvés, ça serait dommage. Je prends la méchante. Le noir, je vous ai dit. Réfléchis bien quand même. C'est une criminelle. Le public aime rire ou pleurer. Il t'applaudit quand tu danses aux Folies Bergères, mais il n'aime pas les criminels. Et encore moins quand il s'agit d'une femme. Tu peux gâcher ta carrière. Je suis prête à prendre le risque. Une perverse, je te dis. L'égérie de la bande. C'est comme ça que vous me voyez ? Vous me faites peur. Et comment elle s'appelle, cette abominable criminelle ? Irma Vep. Irma Vep ? Quel drôle de nom. Oui, Irma Vep comme vampire. En bousculant un peu les lettres. C'est son nom de guerre, une forme d'anagramme. Une histoire de vampire ? Pas comme tu les imagines. Des vampires en cravate et en costume et armés de revolvers. Et qu'est-ce que vous lui réservez à Irma Vep ? Pas de mauvaise surprise, j'espère. Je t'aime trop pour ça, ma petite Musie. Je mise gros, moi aussi. Le patron m'attend sur ce coup-là. Il faut que nous réussissions ensemble. Vous savez que vous êtes le meilleur, monsieur Feuillade. J'espère qu'on va s'amuser cette fois. Et quand est-ce qu'on commence ? Demain, à 8h. On a déjà assez perdu de temps. Le temps presse, en effet. Après une année de guerre pendant laquelle la production cinématographique a tourné au ralenti, Léon Gaumont compte sur Feuillade pour relancer les activités dans sa gigantesque usine, la cité LG, comme l'appellent les habitués, des initiales de son directeur. Et il faut faire vite. Les Américains annoncent pour le 4 décembre la sortie sur notre territoire d'un grand film, Les Mystères de New York, qui a obtenu un immense succès chez eux et est en passe de conquérir le marché national. Après les Boches, ce sont maintenant les Américains qui nous envahissent avec leur nouvelle invention. Vous connaissez ça, vous, Feuillade ? Les Mystères de New York, un film à épisodes. Ils en ont réservé 22 bobines, à raison d'une par semaine. Faites le compte. Cela veut dire 6 mois de projection déjà programmée qui vont accaparer notre public. Avec cette jeune héroïne qui a fait un malheur, paraît-il, et qu'on voit déjà dans tous nos journaux. Comment s'appelle-t-elle déjà ? Pearl White, c'est ça ? Perle vite en bon français, monsieur Gaumont. Perle vite. Je vous reconnais bien à la Feuillade. Appelez-la comme vous voulez, mais dépêchez-vous. Votre projet avance, vous en êtes où ? J'ai 2000 personnes à faire travailler ici, moi. Nous allons les prendre de court, monsieur, et sur leur propre terrain. Nous serons plus rapides qu'eux. Vous savez que nous manquons de tout à cause des restrictions. La pellicule nous est rationnée, les autorités la réservent aux films patriotiques. Quant à l'électricité, elle est sans cesse coupée. Vous n'aurez pas de projecteur dans le studio. Je me débrouillerai, je me contenterai de la lumière naturelle de la grande verrière du théâtre de pause. Et si le temps le permet, je tournerai en plein air, dans les rues. J'improviserai. Et nos acteurs sont sur le front. J'ai fait appel cette fois-ci pour les deux principaux rôles masculins à des étrangers, qui ne sont pas mobilisables. Monsieur Maté, qui est australien, sera le jeune journaliste. Il est très bien. Et monsieur Jean M., qui est suisse... Ah, monsieur M., un caractère difficile. Dites-lui bien qu'il doit s'en tenir au terme du contrat qui le lie à la maison. Je prends ce que je peux, monsieur. Il n'est pas facile, mais il a du talent et de la classe. Il sera le chef de la bande des vampires. Vous tenez vraiment à cette histoire de voyous. Au moment où l'ennemi est à nos portes et que toutes nos familles sont endeuillées. N'allez pas vous encanailler, Feuillade. Vous le savez, je ne veux pas d'histoire d'adultère. Pas de fille publique non plus. Et pas d'espion, évidemment. Je connais le règlement, monsieur. Et pour tenir tête à la jeune perle vite, comme vous dites, qui voyez-vous ? J'ai trouvé mon arme secrète. Elle a de beaux yeux. Je mise tout sur elle. Le défi semble impossible à relever. Feuillade manque de temps et de moyens. Mais pour rivaliser avec Perle Vite, les Américains et leur mystère de New York, il sait maintenant qu'il peut compter sur Musidora, dont il apprécie le talent, mais surtout ce qu'on appellera bientôt son sex appeal. Le troisième épisode de la série, le cryptogramme rouge, dans lequel elle va faire sa première apparition, doit absolument sortir en même temps que le début du film américain, le 4 décembre 1915. Ce sera la grande confrontation sur les écrans, le même jour, de l'américaine et de la française, de la gentille et naïve blonde et de la méchante et sulfureuse brune. Laquelle des deux actrices emportera l'adhésion du public ? À la cité LG, les préparatifs du tournage se terminent. Le décor est installé dans le grand studio de verre. Il représente la salle d'un cabaret malfamé des barrières de Paris. C'est là que se réunit la bande de criminels des vampires. Des figurants costumés en apaches des bas-fonds sont assis autour des tables disposées devant une scène sur laquelle doit se produire Irma Vep. Dans la loge numéro 8, Musidora finit de se préparer. Il m'a dit « Fais-toi une tête de pierreuse des faubourgs ». Eh bien, il ne va pas être déçu. J'ai une vraie tête de sorcière. Impossible d'être plus laide. Je ne sais pas si j'ai bien fait d'accepter ce rôle. Quelle dégaine. Une méchante jupe à carreaux, un chapeau cabossé, le foulard autour du cou et une grosse chemise de flanelle échancrée. Pas trop, tout de même. Là, comme ça, c'est plus correct. Mademoiselle Musidora, on vous attend. Voilà! Voilà! Une minute. Le temps de finir ce maquillage. Des yeux noirs si comme du charbon. On dirait que j'ai pas dormi depuis 8 jours. Les lèvres bien noires aussi. Le teint livide comme celui d'un cadavre. Pas besoin de raffiner sur les couleurs, on est tout en noir et blanc ici. Oh, ouais, j'ai une tête à faire peur. La momie Irma, elle sait jouer du lingue et faire parler le babillard. Mademoiselle Musidora, c'est à vous. Voilà, je suis prête. J'arrive. Salut les anins. Vous avez le bonjour d'Irma. Comment me trouvez-vous, monsieur Feuillade? Avec ça, tu vas faire des ravages. Dégrafement, encore un bouton, qu'on te voit un peu plus. C'est pas la revue de l'amour, ici. On n'est pas aux Folies Bergères. Bon, allez, assez perdu de temps comme ça. Nous allons répéter. Je vous explique la situation. Vous êtes tous des apaches dans un beuglant. Irma est sur scène, elle chante. Tout le monde l'admire, Irma. C'est l'idole de la bande. Musi, oui. Grimpe sur la scène. Bon, tu feras attention à ne pas sortir du cadre. Hein. Le grand vampire est assis à cette table. Où il est, le grand vampire? Ici, monsieur Feuillade. Ah, monsieur M. Vous connaissez Musi. Je ne vous présente pas. C'est votre partenaire à partir de maintenant. Vous êtes très bien avec votre chapeau melon blanc et votre petite moustache. Un peu de travers, le melon. Voilà, c'est mieux. Et de la dignité. Hein? Vous avez une autorité naturelle sur la bande. Vous êtes le chef. Tout le monde est en place? Vous êtes prêt, le pianiste? Réveillez-moi un peu tout ça. C'est pas parce qu'on vous entend pas sur l'écran, il faut qu'on la voie, votre musique, que ça bouge en rythme. Musi, tu nous chantes quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez comme chanson? Auprès de ma blonde? Non, ça va pas. Tu sais que dans la salle, il y a des spectateurs sourds-muets. Ils lisent sur tes lèvres. Ils comprennent tout ce que tu dis. Il faut que ce soit dans la situation. Ta chanson, c'est celle d'Irma Vep. Une pierreuse, une dévergondée. C'est pas une fille de patronage. Je veux du réaliste. Le genre légionnaire. T'as bien ça dans ton répertoire? C'est un mâle. Ça vous va? Ah, oui. Tessa, Dufresne. Vous avez l'air en tête, le pianiste? Musi, donne-nous le début. Il y a des tas de gonzesses qui font les bégueules aussitôt qu'un homme veut les approcher. Très bien, ça ira. Maintenant, écoute-moi bien. Je veux que tu nous sortes le grand jeu. Les paroles, on s'en fiche. C'est juste pour toi. C'est tes expressions que je veux voir. Tu nous racontes une histoire à pleurer et à faire peur. Je veux l'entendre sur ton visage, sur tes lèvres et dans tes yeux. Mais vous m'avez toujours dit qu'il fallait rester naturel, ne pas trop en faire, qu'on n'est pas au théâtre. Là, c'est différent. Tu es sur la scène d'un cabaret, tu te donnes en spectacle. Et le public n'est pas de premier choix. Excusez-moi, les enfants. On fait pas dans la psychologie. Irma, elle envoûte, elle fascine. C'est ta première apparition, ne l'oublie pas. Il faut pas rater ça. Frapper un grand coup. Allez, tout le monde en place pour la répétition. On démarre et on s'arrête à mon coup de sifflet. On y va, les enfants. Vous parlez entre vous pour créer l'ambiance. Piano. Musi, à toi. Il y a des tas de gonzesses qui font les bégueules aussitôt qu'un homme veut les approcher. Il leur faut des compartiments d'âmes seules. Elles ont trop peur d'avaler la fumée. Plus fort, musique, plus fort. Articule, nom de Dieu. Et déplace-toi un peu, sans sortir du cadre. Voilà, comme ça. Attendez, je prends mes repères. Et dégage la poitrine, respire, qu'on te voit. Il faut que tu sortes les dents, plus que ça. Les dents de vampire, les crocs dehors. Donne le refrain. C'est pas une demi-portion, une galette, un avorton. Lui, c'est un mâle. Voilà. Après la tigresse, l'enjôleuse. À ce moment-là, tu te déhanches. Les apaches, pendant ce temps, vous la sifflez, vous crachez par terre, vous tirez sur vos cigarettes. Je veux voir des nuages de fumée. Le grand vampire, vous vous levez. Et je salue d'un coup de chapeau. Pas d'initiative, monsieur M. Si vous voulez bien, remettez votre chapeau. C'est moi qui dirige. Enfin, je disais ça. Oui. Musi, pour le final, les bras en l'air et tout le monde se lève pour l'applaudir bien fort. C'est compris? Oui, d'accord, d'accord. Attends, on va la tourner, cette scène. Ne perdons pas de temps. Manichou, l'appareil est chargé? Voilà, tourné. Tout le monde est en place? Oui. Manichou, à toi! Feuillade a visé juste. Dès la première projection, les 3000 spectateurs de la salle du Gaumont Palace sur le boulevard de Clichy font un triomphe à la méchante Irma Vep. Mais sa concurrente, la blonde Pearl White, n'a pas dit son dernier mot. Il faut tenir la distance. Feuillade doit enchaîner aussitôt les épisodes suivants, le spectre et l'évasion du mort. Et pendant que la blonde américaine continue à jouer les victimes éplorées semaine après semaine, Irma Vep accumule les crimes sans s'émouvoir. C'est une perfide, une sournoise, un vrai serpent qui change sans cesse d'identité et de costume pour mieux rester insaisissable. Tiens, voilà ta tenue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un collant? Ce sera ton nouvel uniforme de travail. Mmh. Un collant noir, intégral, qui te prend des pieds à la tête, cousu d'une seule pièce. Regarde. Avec une cagoule qui laisse juste passer tes yeux, on les verra encore mieux. Tes beaux yeux. C'est Paul Poiret qui l'a coupée spécialement pour toi. Elle est en soie. Essaye-la pour vérifier si elle est bien à ta taille. Mais je dois me déshabiller pour enfiler ça. T'as qu'à te mettre derrière ce paravent. Je voudrais voir l'effet que ça produit. Je m'en retourne si tu veux. T'as l'habitude d'en vendre davantage. Pas en coulisses, ni dans ma loge. Bon, comme tu voudras. Je te laisse. Il n'a pas froid aux yeux tout de même. Mais c'est moi qu'on va voir avec ça. Paul Poiret. Ça va lui faire une drôle de réclame. Elle est bien ajustée, cette combinaison. Et bien transparente. Elle dessine toutes mes formes. On dirait que je suis nue. Tout en noir, mais nue. Pire que nue, même. Ce sera photogénique, évidemment. La panoplie de la parfaite petite vampire de salon. Voilà qui va exciter le désir de ces messieurs et la jalousie de ces dames. Pas si mal, la môme Irma. La silhouette est fine. La poitrine se tient toute seule. Pas besoin de corset. La taille mince fait ressortir les hanches. Avec ça, si je suis pas sur toutes les affiches, la petite perle vide peut aller se rhabiller. Cette combinaison, elle est faite pour l'amour et pour la mort. Irma Vep en collant noir. C'est un coup de génie de Feuillade, très audacieux, qui fait tourner bien des têtes, la sienne d'abord sans doute. Il crée une image qui va marquer les esprits et assurer le succès de la série. Déguisée en souris d'hôtel, Musidora se glisse la nuit dans les rêves des spectateurs et est bien vite qualifiée de première vampe du cinéma. Elle va hanter l'imaginaire de toute une génération. André Breton, le futur chef de file des surréalistes, fait partie de ces jeunes qui s'enthousiasment aussitôt pour elle. Il est alors mobilisé comme médecin militaire auxiliaire pour soigner les blessés à l'hôpital de Nantes, d'où il lui écrit. À Madame Irma Vep, 25 mars 1916. Madame, hier soir avec deux amis, je suis entré en plein milieu d'une projection à l'Eden Palace. Je ne savais ni quel film on donnait, ni qui vous étiez. Irma Vep, Musidora ou Mélusine, peu importe. Votre nom se décline comme celui de la femme sphinx, celui de la Vénus noire qui entre sans frapper la nuit dans nos rêves. Je n'ai rien compris à ce film. Qu'y a-t-il d'ailleurs à comprendre? À minuit, il y aura une surprise, disait le carton qui s'affichait sur l'écran. La surprise, c'était vous. avec vos yeux ouverts sur l'invisible, votre sexe d'as de cœur, votre corps d'ange exterminateur moulé de noir qui jette son ombre vénéneuse sur les choses de l'amour. J'ai pris d'un coup ma revanche sur toutes les horreurs de cette guerre absurde en passant de l'autre côté du miroir. Madame, vous entraînez à votre suite toute une jeunesse prête à vous suivre ailleurs, nulle part, dans le grand abattoir de son inconscient, celui de la contrebande des désirs qui peuplent notre théâtre mental. Vous dirigez nos pensées et cambriolez nos songes. Vous êtes la femme majuscule, l'héroïne des temps modernes, à qui l'on fait soumission. Vous avez ouvert nos bras à la révolte et à l'amour. Ordonnez ce que vous voudrez, nous serons vos exécuteurs muets. Tous vos crimes seront exaucés. André Breton. Je vous adresse cette lettre aux établissements Gaumont où l'on me dit qu'on peut vous atteindre. Vous atteindre. Vraiment. Avec Musidora, le rendez-vous est pris. André Breton et Louis Aragon, qui la qualifiera de dixième muse, verront en elle l'incarnation de la femme surréaliste. Après la guerre, ils lui déclareront leur amour de vive voix et lui écriront à quatre mains une pièce, Le Trésor des Jésuites. Mais en attendant, au but de Chaumont, Léon Gaumont presse Feuillade de poursuivre le feuilleton qui prend du retard sur les mystères de New York, dont les épisodes sortent régulièrement. Et de nouvelles difficultés surgissent. Qu'est-ce que j'apprends, Feuillade ? Monsieur Jean M. demande une révision de son contrat. Oui, monsieur. Il menace de quitter le tournage si son cachet n'est pas augmenté. Il profite de la notoriété que le film lui donne et s'attribue tous les mérites de son succès. Du chantage, à présent. Je vous avais bien dit qu'il nous ferait des problèmes. Et il exige de surcroît que son nom figure au générique. Il n'en est pas question. C'est la tête qui lui tourne, certainement. Vous savez que j'ai horreur du vedettariat. Mais pour qui se prend-il ? Nos acteurs sont ceux de la maison, ils forment une troupe. Le nom de la société Gaumont est le seul à devoir apparaître sur l'écran. Et il n'aura pas un sou de plus. Je vais le convoquer pour lui faire passer ses caprices. Il ne vous écoutera pas. Il semble qu'il ait des propositions ailleurs. Laissez-moi faire, monsieur. Ça fait déjà un moment que je suis excédé par ses prétentions et son attitude désinvolte. Je m'en occupe. Et le lendemain matin, dans le grand théâtre de pause, alors qu'on s'apprête à tourner une nouvelle scène... Ah, vous voilà, monsieur M. Je ne vous ai pas vu hier. J'étais malade, monsieur. Monsieur, quand on fait du cinéma, on n'a pas le droit d'être malade. J'avais 2000 francs de figuration pour votre scène. Savez-vous ce que cela représente ? Et ne prenez pas cet air hautain. Vous auriez pu tout au moins prévenir et vous excuser. Monsieur, je prends l'air que je veux. Je n'avais personne pour prévenir. Monsieur, vous n'êtes pas fait pour le cinéma. Et le cinéma n'est pas fait pour vous. Monsieur, je vous prie de ne pas parler sur ce ton. J'ai fait mes preuves. On me réclame sur les planches, savez-vous ? Brisons-la. Voulez-vous avoir l'obligeance de me dire si je tourne aujourd'hui ou si je peux partir à l'instant même ? Une minute, s'il vous plaît. Nous allons régler cela immédiatement. Manichou ? Oui. Cherche ton appareil. Bien. Musi ? Oui ? Viens te mettre ici. Voilà la scène. Elle sera courte. Vous tournerez sans répétition. Irma Vep attend le grand vampire qui est dans la pièce à côté. Quand il entre, elle lui décharge aussitôt le barillet en pleine poitrine. Monsieur M, vous tombez foudroyé. Tiens, Musi, prends ce revolver. Monsieur M, rajustez votre cravate et mettez votre monocle à l'œil. Passez derrière la porte. Tout le monde en place ? Ai-je du texte à dire ? Inutile. Irma Vep ne vous en laissera pas le temps. Allons-y ! On tourne ! À toi, Musi ! Monsieur M, vous pouvez vous relever. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Ramassez votre monocle. Votre veston est fripé. Voilà. Et ensuite ? Rien, c'est fini. Oh. Vous n'avez plus besoin de moi aujourd'hui ? Est-ce que je viens demain ? Non, vous avez été tué. Votre rôle est terminé. Passez à la caisse pour vous faire payer. Et soyez heureux que je ne vous mette pas à l'amende. Bonsoir, monsieur. Musi, viens avec moi. On a assez perdu de temps. Ça, quel caractère, mais... Monsieur, votre conduite est inqualifiable. On n'a pas idée de vous tuer parce que vous êtes malade. Décidément, c'est idiot, ce cinéma à épisode. Puisque c'est comme ça, je retourne au théâtre. Là, au moins, on sait apprécier les artistes. Débarrassé de Jean M, Feuillade doit cependant lui trouver aussitôt un remplaçant. Une nouvelle fois, il puise parmi les acteurs permissionnaires. Louis Lebas devient le nouveau chef de la bande sous le nom de Satanas. Et il introduit un nouveau personnage grâce à Fernand Herrmann, qui, après avoir été blessé sur le front, est en convalescence. Il sera Moreno, le rival des vampires. Le scénario est bouleversé, et tant pis si le spectateur s'y perd. Irma Vep trahit Satanas et trouve en Moreno un nouvel amant et maître. Les deux bandes ennemies se l'arrachent. On la chloroforme, on l'hypnotise, on la kidnappe, on la bâillonne, on la transporte comme un ballot de marchandises sur son dos ou dans une malle. C'est elle le corps du délit et l'objet de toutes les convoitises. S'il y a un vrai grand vampire dans cette histoire, c'est bien Feuillade, le maître du jeu, qui improvise pour maintenir son film sur les écrans face au mystère de New York. Entre deux épisodes, Musidora raconte à son ami, l'écrivain Colette, qui est alors en Bretagne, ses folles journées de tournage. « Cher grand ami, quel dommage que vous ne soyez pas actuellement à Paris pour venir sur le lieu du crime assister à mes nouveaux exploits. J'ai tué hier de sang-froid mon premier amant. C'est mon nouveau métier de vampire qui entre. » Je m'amuse beaucoup à prendre des risques dans cette cavalcade insensée qui n'a ni queue ni tête. Le cinéma est décidément un métier plus dangereux que celui de girl. Une bombe a manqué me tuer. Une vraie bombe, je vous prie de croire. Je m'en suis sortie avec quelques contusions. Monsieur Feuillade a peur d'abîmer son outil de travail. Il me propose d'être doublé par des cascadeurs, ce que je refuse absolument. Je m'entends d'ailleurs fort bien avec lui. Il se montre seulement un peu trop jaloux de tous ses amants dans les bras desquels il me jette. Il nous interdit les baisers aux endroits défendus par le règlement. Saviez-vous que nous n'avons pas le droit de nous toucher les oreilles? Je devrais être morte depuis longtemps. Mais naturellement, on a besoin de moi à l'épisode suivant, ce qui garantit ma survie pour quelque temps encore. Vous le voyez, ma chère grande amie, votre enfant est toujours une gamine intrépide. Donnez-moi de vos nouvelles. Je relis chaque soir des pages de Claudine ou de La Vagabonde pour vous avoir près de moi. Vous savez comme je reste agriffée à vous. Je vous embrasse, comme je vous aime. Musi. Mais les choses se compliquent à nouveau. Voilà que les deux acteurs masculins sont rappelés sous les drapeaux, une fois leur permission terminée. Qu'à cela ne tienne, Feuillade les fait aussitôt disparaître de son scénario. L'un est guillotiné, l'autre meurt empoisonné. Et un nouveau grand vampire apparaît, Venenos, qui lui est dispensé de guerre pour cause de réforme. Irma Vep gagne un nouvel amant et traverse impunément toutes les épreuves en parvenant à échapper à la police. Jusqu'au moment où la comédie menace de s'achever définitivement. C'en est trop en effet pour la censure, qui fait brusquement interdire le film jugé subversif. C'est la consternation à la cité LG. Léon Gaumont demande une audience et missionne alors Musidora auprès du préfet de police, Émile Laurent. Monsieur, pensez à tout ce que nous faisons pour la gloire du cinéma français, à tout ce que j'ai enduré. Mademoiselle, votre film est tout simplement abominable. Vous tournez en ridicule mes agents, l'autorité. Vous faites l'apologie du crime. Songez à l'exemple lamentable que vous donnez à notre jeunesse. Monsieur le préfet, nous cherchons seulement à apporter un peu de divertissement à notre population si durement éprouvée actuellement. Vraiment? Et nos poilus, vous avez pensé à eux? Croyez-vous qu'ils se divertissent avec toutes ces horreurs? Je suis moi-même marraine de guerre. Mon filleul, qui a pu voir le film au cours d'une de ses permissions, m'a écrit qu'il y avait pris beaucoup de plaisir avec ses camarades. Et que dit-il de ces armes qu'emploient vos bandits? Une bombe, un canon, des obus, des gaz asphyxiants. Ce sont des armes de Bosch. Monsieur Feuillade, bien loin de défendre l'art français, le déshonore. Oh, je vous promets de donner dorénavant un peu de mon temps en participant à des galas de bienfaisance pour nos veuves, nos orphelins et nos mutilés. Pas dans la tenue indécente que vous arborez dans ce film, j'espère. Oh, monsieur, je fais appel à votre patriotisme. Nous défendons l'honneur de la France face à la concurrence étrangère. Pensez à tous nos artistes, à nos cinéastes, à nos techniciens qui seront privés d'activité. Si vous interdisez le film, il n'est pas juste d'autoriser la projection de films étrangers comme Les Mystères de New York. Mademoiselle, êtes-vous prête à mettre votre talent et votre popularité au service de quelques films patriotiques ? Je l'ai déjà fait plusieurs fois, monsieur. Mais j'en prends à nouveau l'engagement. Et à demander à Monsieur Feuillade de réhabiliter ma police. Je vous promets même de faire couper les passages que vous jugerez subversifs. Bon. Je vais examiner attentivement ce film et je vous ferai rendre ma réponse. Musidora obtient gain de cause, la censure est levée. Le film est sauvé une nouvelle fois, le tournage peut reprendre. Mais l'alerte a été un sérieux avertissement. Elle remise son collant, jugé trop indécent, au magasin des accessoires, et Feuillade montre dorénavant une police plus efficace. Et pour sauver la morale, la carrière d'Irma Vep va s'achever dans un final inspiré du siège de la bande à Bono qui a eu lieu 4 ans plus tôt, ce que Feuillade appelle une scène à grand tapage. Ce sera les noces sanglantes. Pour ce dernier épisode de la série, il emploie les grands moyens. Plusieurs dizaines de figurants, costumés en policiers, escaladent les murs de la villa où les vampires donnent une fête orgiaque. On chante, on danse, on boit. L'assaut est donné. Le grand vampire Vénénos est tué, les malfaiteurs sont tous exterminés, les cadavres s'empilent. Seule Irma Vep, l'irréductible, a pu se réfugier à la cave où est séquestrée la jeune épouse du journaliste, jouée par Louise Lagrange, surnommée Zouzou. On a pu faire passer subrepticement un revolver à la jeune femme par le soupirail. Musée, mademoiselle Zouzou, vous avez bien chacune votre revolver. Oui. C'est l'affrontement final. Prenez vos places. Musée, derrière la porte de la cave. Mademoiselle Zouzou, asseyez-vous sur cette caisse. Il n'y a que Musée qui parlera. Mademoiselle Zouzou, vous restez immobile, pétrifiée par la peur. Cachez votre revolver dans les plis de votre robe. Et moi, qu'est-ce que je dois dire ? Tu fais du texte, tu dis ce que tu veux, pourvu que ça soit dans la situation. Manichou, ton moulin à café est chargé ? Tournez. À mon signal, on y va directement. Pas besoin de répétition. Je vous donnerai les indications au fur et à mesure. Musi, tu rentres. Tu te plantes devant mademoiselle Zouzou. Le revolver à la main. Tu la défies. Fais du texte, nom de Dieu ! Tout ça, c'est de ta... Tu les entends là-haut ? Mais moi, ils ne mourront pas. Et toi, tu vas payer pour les autres, petite grue. Très bien. Tu pointes ton revolver. Tu la menaces. Regarde ça. Tu sais à qui tu as affaire ? Tu ne connais pas Irma Vep ? Moi, on ne me prendra jamais. Tu me serviras d'otage. Bien. Maintenant, tu fermes la porte au verrou. Tu te retournes. Attention, mademoiselle Zouzou, c'est à vous. Vite, vous sortez votre revolver. Vous tirez. Allez-y, tirez. Musi, tu chancelles. Lâche le revolver. Les mains sur la poitrine. Continue à faire du texte. Tu râles. Espèce de garce. Espèce de garce. Tu m'as tué à moi. Je meurs. Je suis mort. Tu tombes par terre. Tu essayes de te relever. Râle encore un peu. Oh. Tu retombes complètement. Une dernière convulsion. Un peu avant maintenant. C'est ça. Reste immobile. Tu bouges plus. Mademoiselle Zouzou, vous vous cachez les yeux. C'est atroce. Vous ne voulez pas voir ça. Quelle horreur. Quelle horreur. Très bien. Voilà. C'est fini. Oh. Musi, tu peux te relever. Musi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, Musi? Oh là là, quel choc! J'ai pris le coup en pleine poitrine, hein, je suis tout écorchée. Et ma robe est fichue. Vous êtes sûr que c'était bien des balas blancs? 30 juin 1916. La vamp est morte sur les écrans. Musidora se relève et soigne ses écorchures. Le préfet peut être satisfait. Sa police est vengée. Feuillade est heureux, lui aussi, d'être parvenu à surmonter les difficultés exceptionnelles qu'ont imposées les conditions de la guerre à son tournage. Cela aura été en 8 mois, 10 épisodes et plus de 7 heures de projection. Sa longue bataille de Verdun, qui continue de se dérouler au même moment. Ces vampires resteront comme l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Et grâce à Irma Vep, Musidora aura éclipsé Pearl White dans nos archives. Tu es une beauté blanche et noire, me disait Colette. Et avec tes yeux immenses, il n'y a pas plus photogénique que toi. Tu es prédestinée au cinéma. C'est grâce à elle et à sa prophétie, tout autant qu'à Monsieur Feuillade et à ses vampires, que je suis devenue ce que je rêvais d'être, la reine du cinéma. On oubliera la petite girl des Folies Bergères qui ne laissera de traces que dans les souvenirs du public d'un soir, mais pas Irma Vep, tant qu'elle continuera d'apparaître dans les salles obscures pour hanter les rêves des spectateurs. Cette mémoire infinie qui défie la vieillesse et la mort, il n'y a que le cinéma qui pouvait me la donner. Et je sais que longtemps après que j'aurai cessé de vivre, ma jeunesse et ma flamme resteront écrites sur l'écran. Musidora, star du muet de Didier Blonde, avec Musidora, Emeline Bayard, Louis Feuillade, John Arnold, Léon Gaumont, Bruno Pavio, Jean M, Laurent Charpentier, André Breton, Gal Paya, Émile Laurent, Michel Derville, Mademoiselle Zouzou, Myrène Astré, piano, Manuel Pesquine, bruitage, Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Antoine Vieussa, assistante à la réalisation, Clémence Grosse, réalisation, Cédric Ossir. Dans quelques minutes, nous parlons de Musidora et du cinéma muet avec mon invité Didier Blonde. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Salavo, Nanfonbois sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Vincent Godard. Didier Blonde, c'est donc vous qui avez écrit le texte qu'on vient d'entendre, réalisé par Cédric Ossir. Qu'est-ce que ça fait d'entendre, par le truchement de la radio, Irma Vep, le grand vampire, Mademoiselle Zouzou, tous ces personnages qui vous sont familiers à l'image ? Écoutez, c'est très, très stupéfiant parce que ça donne une voix à ces personnages muets. Donc ça les fait vivre, ça leur donne une forme de réalité que... Tout en étant fictive. On cherche souvent sur l'écran, oui, en noir et blanc, ici c'est en couleur. Si on peut dire ça, oui. Il n'y a que le cinéma qui peut défier la vieillesse et la mort, dit Musidora à la fin. Oui, et ça c'est quelque chose qui a été tout de suite très fortement ressenti avec l'arrivée du cinéma. Vous savez que dès les toutes premières années, il y a des articles, et je n'invente rien, qui disent que le cinéma est parvenu à vaincre la mort. Parce qu'on peut le répéter indéfiniment. Musidora l'a très fortement ressenti parce qu'elle espérait avoir en parallèle cette carrière au Music Hall. Et elle se rend bien compte que ces soirées-là vont disparaître très très vite. Et donc elle a bien pressenti qu'elle allait survivre à travers ce personnage de Musidora. Et en même temps, le cinéma muet, enfin tout du moins les films de Louis Feuillade, Musidora, sont un peu oubliés. On ne les voit plus qu'à la Cinémathèque française ou dans des coffrets. Il y a quelque chose quand même qui s'est perdu avec l'arrivée du parlant. Oui, bien sûr, avec l'arrivée du parlant, ça a été un continent englouti quasiment. Hein. Mais depuis maintenant un certain nombre d'années, on se met à les restaurer et à les revoir. Ça s'adresse évidemment souvent à des amateurs un peu passionnés, mais pas seulement. Et essentiellement, le personnage de Musidora est des vampires. D'abord, les vampires a été considéré il y a quelques années, j'avais vu ce chiffre, parmi les 10 plus grands films de l'histoire du cinéma. Et il survit beaucoup à travers quantité d'hommages, de citations. Il y a quelques années, Olivia Sayas a fait un film qui s'appelle Irma Vep, avec Jean-Pierre Léaud et Maggie Cheung, en hommage à Musidora. Buñuel, dans L'Ange Exterminateur, cite toute une scène qui est empruntée aux vampires. Elle survit dans souvent les mouvements féministes de nos jours. Oui, Musidora, d'ailleurs, était une revue en 1970, une revue féministe de l'époque. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est comment le cinéma se faisait à cette époque. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Donc, c'est ces comédiens qui parlent, parce qu'il faut faire attention, parce que les sourds-muets peuvent lire sur les lèvres. On apprend que les comédiens n'ont pas droit à leur nom sur le générique. Enfin, toutes ces choses-là qui semblent aujourd'hui totalement dépassées. Et puis, les risques que les acteurs prennent, c'est assez étonnant. Je vous propose d'écouter Musidora elle-même, qui raconte en 1945 ses souvenirs du tournage des vampires. Que de noires actions j'ai dû commettre avec un maillot de soie moins noir et laissant transparaître un corps de 20 ans bien roulé, si j'en juge par quelques séquences qui ont passé au crible des années. Le travail qu'on me demandait était fort simple. Je n'avais qu'à me laisser tomber d'un toit du 8e étage sur le trottoir une corde à la taille, recevoir un coup de pistolet chargé à blanc, mais qui blessait néanmoins, sauter d'une auto en marche et me faire écraser sur l'asphalte par une énorme Peugeot, bras et jambes ficelés et sans défense. Tout cela, dirigé par la voix encourageante de Feuillade, teintée d'un léger accent du midi pour me faire croire que c'était une blague, sans doute une galéjade. On risquait sa vie tous les jours, mais on s'amusait. Jolie cette phrase, hein. On risquait sa vie tous les jours, mais on s'amusait. C'est étonnant. Et puis, elle prend des risques. Belmondo se targuait de pas se faire doubler dans les cascades, mais déjà, Musidora le faisait en 1916. C'est une actrice très physique, d'abord par son corps, hein, bien sûr, sa présence, mais elle avait des qualités vraiment de sportive. Hein. Ouais, du courage. Elle raconte, là, elle donne un petit peu des énumérations. Ce sont des scènes particulièrement dangereuses, effectivement, et tournées sans doublure. Alors que Feuillade lui a proposé d'être doublée par des cascadeurs, ce qu'elle a toujours refusé. Et c'est étonnant ce qu'elle dit, on s'amusait, c'était quand même comme si c'était quelque chose du passé. Est-ce que le cinéma muet, les acteurs s'amusaient davantage que par la suite ou... Alors je pense que ça tient aussi beaucoup à Feuillade lui-même et à la troupe de chez Gaumont. Dans Les Vampires, il y a aussi toute une part de comédie, hein. On passe du rire à l'horreur. Alors Musidora et son personnage d'Irma Vep, on l'a entendu, on fait scandale à l'époque. Est-ce qu'on peut dire que ça a annoncé le surréalisme. D'ailleurs, elle a été admirée, et on l'a entendu, par Aragon et André Breton. Oui, à plusieurs titres. D'abord, les surréalistes étaient des grands amateurs de ce cinéma populaire qui n'avait ni queue ni tête. Et alors, avec les vampires, évidemment, ils étaient servis. Parce que Feuillade a improvisé, donc, quasiment semaine après semaine, parfois jour après jour, son scénario qui est totalement fou, totalement débridé. Il y a une forme presque, on pourrait dire, d'automatisme dans sa création, en fonction aussi des contraintes. Il a inventé des choses absolument incroyables. Et je pense que lui qui avait la réputation d'être... Enfin, il est issu d'un milieu très traditionnel, traditionnaliste, monarchie, David dit des monarchistes, fervent catholique, défenseur de la morale, comme en général chez Gaumont. Et là, vraiment, dans ce film... Plus on le regarde de près, puis on a l'impression qu'il a laissé son inconscient s'exprimer à ciel ouvert. Véritablement, il y a des scènes parfaitement scandaleuses qui ont choqué, d'où l'interdiction. Le cinéma avait déjà la réputation d'être très mauvais pour la morale. C'est pas uniquement les vampires qui ont été accusés. D'une façon générale, le cinéma a pu avoir mauvaise réputation à l'époque aussi. Que deviendra Louis Feuillade ? Il va continuer à tourner avec l'arrivée du parlant ? Il est mort avant, il est mort en 1925, je crois. Après les vampires, il va faire travailler encore dans un de ses films, Judex, Musidora. Et elle, que va-t-elle devenir ? Et elle a bien senti qu'elle était un peu prisonnière de ce personnage de Musidora qui lui a donné une célébrité extraordinaire, le personnage d'Irma Vep. Et donc elle veut essayer de se déprendre un petit peu de ça parce que c'est une femme qui a énormément de talent, qui est très intelligente. Donc elle va tourner encore un film avec Feuillade, puis elle va décider d'arrêter, alors qu'elle a des propositions, pour se consacrer elle-même à la réalisation. C'est la troisième femme réalisatrice dans l'histoire du cinéma, après Alice Guy, la toute première, qui est partie après aux États-Unis et qui était directrice artistique chez Gaumont, Germaine Dulac dans les années 10, et Musidora, donc essentiellement à partir de 1919, les années 20. Elle s'est ruinée à essayer de produire ses films. Elle a écrit des chansons, des textes, et elle a un peu été oubliée. C'est Henri Langlois qui est allé la rechercher pour lui confier un travail formidable de recherche de documentation sur toute cette époque. Henri Langlois qui était le directeur de la Cinémathèque française. Fondateur et directeur de la Cinémathèque. Et donc elle a beaucoup travaillé à ce moment-là jusqu'à sa mort. Merci beaucoup Didier Blonde pour cette intervention et puis bien sûr pour le texte, très beau texte que vous avez écrit. Vous êtes l'auteur de nombreux romans et essais chez Gallimard, notamment Les Fantômes du Muet et Leïla Maï 1932, prix Renaudot Essai 2015, qui vient d'ailleurs de sortir en poche. Pour en savoir plus sur Musidora, je signale la biographie de Patrick Casals chez Henri Verrier, ainsi que celle d'Hélène Tirchant, Musidora, la première vampe chez Télémaque. Et si vous voulez faire une cure de cinéma muet, ça tombe bien, Gaumont vient de sortir un magnifique coffret, Louis Feuillade les céréales noires. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Cette émission, vous pouvez la réécouter ou la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends aussi vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous partirons au début du XVIIe siècle à la cour de France, au Louvre. En 1617, le jeune Louis XIII n'a de roi que le titre. La reine Marie de Médicis, sa mère, qui refuse de lui céder le pouvoir, gouverne avec ses favoris Leonora et Concino Concini qui s'amusent à humilier le jeune roi, jusqu'au jour où celui-ci va prendre sa revanche, une revanche sanglante. 1617, Louis XIII prend le pouvoir, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais dans quelques minutes après le flash, vous avez rendez-vous bien sûr avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Excellente soirée sur France Inter.